toujours dit, la vie a c'est un boule. Ka boule, ou pas j'en connais, côté la mêlée ou. Jeune fille, allez qu'il est, y'on pas réfléchi, pour y'on la vie c'est plaisir. Habiller, monter le lundi. C'est danser, c'est d'amour, c'est bloguer, flâner toute la sainte journée. Vraiment l'authentique, Tita, Tigrisse, nous mettre en plaisir, nous, mais bonne pas oublier demain. Yo con no me imagino.